Bonjour et bienvenue dans la cinquième séquence du cours sur l'économie du document. Celle-ci est consacrée à l'économie de la bibliothèque. Je vous ai préparé quelques lectures sur le sujet que vous pouvez annoter, bien sûr, mais dans les semaines à venir, nos interactions passeront principalement par la publication de vos billets sur mon blog et par les commentaires que vous y déposerez. Je rappelle aux étudiants inscrits que c'est aujourd'hui le dernier jour pour déposer leurs billets sur l'espace qui leur est réservé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ne tardez donc pas. Et pour ceux qui l'ont fait, il vous reste une journée pour fignoler et corriger ce qui mérite de l'être. Demain, il sera trop tard. La semaine prochaine est la semaine de lecture à Montréal. La publication de la prochaine séquence, la séquence 6, se fera donc dans 15 jours. Mais d'ici là, nous aurons eu de multiples occasions de nous croiser de nouveau sur le net. Au plaisir donc de vous lire, de lire vos billets et vos commentaires, ainsi que vos annotations. Je souhaite à ceux qui ont l'occasion d'en profiter une très bonne semaine de lecture, et puis à très bientôt.